n'avais pas besoin de parler pour tout me dire, pour tout soigner. Un battement de cœur, un regard et mes silences devenaient plus clairs le soir. T'étais pas juste un animal, t'étais ma boussole, mon idéal. Et maintenant que tu n'es plus là, la maison résonne trop bas. Tu n'es pas loin, juste un peu plus loin. Dans ce coin du cœur où tout reste bien, t'as laissé des poils et des souvenirs, et des instants que rien ne peut trahir. Tu n'es pas loin, je le sens parfois, quand le vent passe doucement sur moi. Tu courais sans peur ni calcul. Tu savais quand le monde bascule. Ton absence a le goût des choses vraies, celles qui marquent sans jamais s'effacer. On a grandi, vieilli ensemble, et c'est ton départ que je tremble. Mais je me raccroche à cette idée-là, t'es toujours là, pas très loin de moi. Tu n'es pas loin, juste un peu plus loin. Dans ce coin du cœur où tout reste bien, t'as laissé des traces sur le chemin, que mes larmes suivent sans fin. Tu n'es pas loin, je le sens parfois, quand la nuit pose ta voix sur mes doigts. Un jour peut-être, je te reverrai, sous une étoile ou dans mes pensées. Mais en attendant, je garde en moi tout ce que t'étais, tout ce qu'on a. Tu n'es pas loin, juste un peu plus loin. Dans ce silence qui m'appartient, t'étais un ami, un bout de famille. Tu l'es toujours dans mes jours fragiles.